Je suis bien placé pour rejoindre Auxerre? Par la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par l'autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D.